les soirs, Hieron viendra ici, dans cette salle où il m'a tout appris. Je l'attendrai fidèle comme avant. Je le tuerai pour qu'il reste grand. Je ne crains pas de lui donner ma vie. Mon vrai chemin est de mourir pour lui. Sur ce poignard, je verse le poison qui emportera mon roi. M'ont appris à t'aimer vraiment. Cette nuit, unissons notre sang pour qu'Arkélam ne t'oublie pas. Voici que je t'entends, nos destins sont mêlés. Pour la nuit des temps, pour l'éternité. Tu es déjà là? Écoute-moi un peu, j'ai décidé que je dois abdiquer. Mais tu m'embrasses. Pourtant je ne pars pas, je continuerai à vivre là. Tu vas m'aider à préparer cela, que ce passage soit digne de moi. Dans ces fichiers sont tous les CD-ROM pour contrôler la vie à Arkélam. Que je dois donner à mon héritier. Le prince a raison, il n'est plus normal. Il me faut agir plus vite que le mal. Mais je ne peux pas voir mon mouvement. Je ferme les yeux un instant. Ah, ça y est, ça reprend. Je me sens transparent. Non, c'est la mort qui te prend. Je t'ai poignardé pour faire ta gloire. Tu seras toujours dans notre mémoire. Mais pourquoi ce combat? Pardon, je ne voulais pas frapper là. Mais je vais périr pour ce crime abject. C'est fidèle. Il faut maintenant que mon roi me tue. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. J'étais tout puissant, je ne suis plus rien. Ça y est, c'est la fin. Maintenant